Mercredi 8 décembre, auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Une édition spéciale avec un seul titre, et bien c'est la mise en place et le fonctionnement de différentes initiatives en faveur des jeunes. Dans cette édition spéciale, nous reviendrons sur le décret présidentiel mettant en place le programme d'autonomisation économique et emploi des jeunes PAEJ. On aura également les réactions des organisations de la société civile, les responsables du PAEJ et de la Banque des jeunes, BIJ, ainsi que les réactions des partis politiques, et c'est le CNDD, FDD et le CNL. À la fin de cette édition spéciale, vous aurez également la chronique N comme tous les mercredis, et ça nous parlera du respect modéré comme moyen de limiter les messages de haine. La mise en onde de cette édition spéciale est assurée par François Kimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le gouvernement du Burundi a mis en place le 6 décembre un décret portant coordination et pilotage du programme d'autonomisation économique et emploi des jeunes. Certaines des visées de ce programme sont entre autres la promotion de l'auto-emploi des jeunes à travers les mouvements coopératifs et des centres d'incubation, ainsi que le changement des mentalités. Ce programme place la jeunesse au centre du développement afin de la rendre autonome. Le point avec Moïse Misago. Ce décret portant modification du décret du 7 avril portant création, pilotage et coordination du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ montre que ce programme vient relever certains défis dont le développement du capital humain, le déficit des exportations, le chômage des jeunes, etc. Le PAEJ place la jeunesse au cœur du développement afin de la rendre autonome, luttant contre le chômage et les effets connexes. C'est dans ce décret, ce programme vient renforcer le patriotisme et la responsabilisation de la jeunesse dans les actions de développement pour une croissance équilibrée, participative et inclusive. Parmi les missions assignées au programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ figure la promotion de l'auto-emploi à travers les mouvements coopératifs et les centres d'incubation, l'intégration et la reconversion socio-professionnelle des jeunes par le renforcement des capacités dans divers métiers, participer aux campagnes de changement de mentalité des jeunes, promouvoir le renforcement des capacités des jeunes par des formations aux métiers spécifiques, par l'appui à la réinsertion des groupes vulnérables, ainsi qu'appuyer les créateurs d'emplois à travers le renforcement de leurs capacités techniques et managériales. Les bénéficiaires de ce programme sont entre autres les jeunes scolarisés ou non scolarisés des milieux ruraux et urbains, des groupements, les associations des professionnels des jeunes, les start-up des jeunes, les projets de l'État ou privés qui acceptent d'acheter les produits ou matières premières fabriquées par les associations des jeunes dans les zones cibles. Ce décret prévoit la mise en place du comité national de pilotage du programme PAEJ présidé par le Premier ministre. Moïse Misago, puisqu'on parle de ces différentes initiatives en faveur des jeunes, revenons sur le Conseil des ministres qui s'est réuni le 17 février de cette année, qui a adopté le projet de loi portant ce programme national d'autonomisation économique des jeunes diplômés. Et le programme sera exécuté dans toutes les communes du pays. Au moins 200 000 emplois seront créés pour les jeunes diplômés et plus de 500 000 pour les jeunes chômeurs non scolarisés. Suivez plutôt Prosper Nargwamiye, secrétaire général du gouvernement, dans cet extrait du Conseil des ministres. Le Burundi, comme la plupart des pays africains, est caractérisé par une croissance vertigineuse de la population avec plus de 60% de la jeunesse. Ainsi, il fait face à une situation préoccupante entre la demande et l'offre d'emploi. Le taux de chômage est très élevé. La mise en place des programmes formation-emploi, la reconversion professionnelle, la création des micro-projets de développement sont des solutions à cette problématique. Ce programme a entre autres objectif d'améliorer les conditions de vie des jeunes chômeurs afin qu'ils contribuent au développement du pays. Il vient mettre la jeunesse au cœur du développement afin de la rendre autonome en luttant contre le chômage. Il vient aussi renforcer le patriotisme et la responsabilisation de la jeunesse dans les actions de développement. Ce programme sera mis en œuvre dans toutes les communes du pays. Il ambitionne de créer au moins 200 000 emplois pour les jeunes diplômés par les coopératives et les entreprises existantes et 550 000 emplois indirect pour les jeunes chômeurs non scolarisés. gravier, briques, sable, plantations d'arbres, etc. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant toilettage par une équipe qui a été désignée à cet effet, avec la recommandation que dans la mise en œuvre de ce programme, toutes les communes soient traitées de façon équitable. Le titre du texte est également à corriger, car ce programme concerne tous les jeunes chômeurs en général et les jeunes diplômés en particulier. Oui, effectivement, parlons de cette catégorisation de jeunes avec plus de précision avec le coordonnateur de ce programme national d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, qui précise qu'il y a trois catégories de jeunes qui seront appuyés financièrement dans leurs initiatives par ce programme. Et deux de ces groupes vont rembourser les financements à un taux zéro, tandis qu'un autre groupe remboursera le crédit à un taux de 7%. Désiré Manila Kiza précise que jusqu'ici, près de 400 jeunes issus de 76 coopératives ont déjà bénéficié des formations en matière d'élevage, on l'écoute. En 2020, le ministère ayant l'administration du territoire dans ses attributions a commandité un recensement qui visait en fait l'enregistrement des jeunes chômeurs. Et au sortir de ce recensement, on a constaté qu'on avait sensiblement 400 000 jeunes diplômés sans emploi, alors que le gouvernement, l'État du Burundi, n'emploie que 120 000 fonctionnaires. Ça veut dire que les chômeurs sont trois fois supérieurs à ceux qui travaillent. Quelle est l'implication de cela? L'implication, c'est que même si l'État décidait aujourd'hui de licencier tous ses fonctionnaires et d'embaucher les nouveaux, on aura plus de 200 000 jeunes chômeurs sans emploi. Et les projections démographiques montrent que d'ici 2050, la population burundaise devrait avoisiner les 26 millions. La question de réflexion était donc finalement de savoir que peut-on faire de cette jeunesse. Il faut amener les jeunes burundais à savoir qu'ils ne sont ni les sujets, ni les objets du développement, mais plutôt les acteurs de leur propre développement. Parce qu'au fond, personne ne peut développer l'autre. On se développe, mais on ne développe pas. Une fois donc que les jeunes sont conscients que désormais, il vaut mieux investir ou périr, on leur donne donc des formations pratiques dans des domaines bien spécifiques. Et ici, nous faisons donc la différence entre trois catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui ont décidé de s'investir dans l'agroalimentaire. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes qui ont choisi de s'investir dans l'industrie, n'est-ce pas, de tout genre. Ici, il s'agit en fait des jeunes qui ont des niveaux académiques assez importants et qui ont des projets porteurs de promesses, mais des projets dont la réalisation demanderait suffisamment de moyens. Et nous donnons donc ces moyens pour que les jeunes puissent mettre en place ces projets et nous co-gérons les projets ensemble. La troisième catégorie, ce sont des jeunes entrepreneurs qui sont déjà sur le marché, mais dont le capital, n'est-ce pas, ne permet pas la couverture de tout le marché. Les deux premières catégories, ils reçoivent ces financements à taux zéro. Et la dernière catégorie, qui est donc la catégorie qui est déjà au courant, qui sait déjà ce que signifie un capital, ceux-là, ils obtiennent des financements, donc des crédits, avec un taux préférentiel de 7%. Le taux de 7% est à celui qui est déjà appliqué par la BIJ. Et vous saurez que ce programme national d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ a un budget de 48 milliards de francs burundais logés à la Banque centrale. Et plus de 3000 dossiers des coopératives et groupements des jeunes ont reçu des crédits de la part de la Banque d'investissement pour les jeunes BIJ. Durant ces 11 derniers mois, Sixte Niyuhire, administrateur directeur général de la BIJ, se réjouit du niveau de remboursement de ces jeunes et encourage d'autres jeunes à approcher cette banque qui octroie des crédits à des jeunes sur un taux moins cher. Suivez Sixte Niyuhire, directeur général de la BIJ, au micro de Fidèle d'Antoine Sabiman. La banque BIJ, c'est la banque d'investissement pour les jeunes, une banque qui est opérationnelle il y a 11 mois déjà. Et la banque a été mise en place pour recevoir et financer des projets initiés et gérés par les jeunes. Elle a déjà financé près de 3000 jeunes. Quelle est la plus-value de la BIJ par rapport aux autres banques de crédit? La plus-value, c'est que la banque d'investissement pour les jeunes finance, supporte la formation. Beaucoup de banques de microfinance n'ont pas le temps de pouvoir faire cette formation. Et de deux, la banque aussi octroie des crédits a un coût relativement bas par rapport aux autres concerts de la place. Ça, c'est aussi un autre atout et avantage. Et troisièmement aussi, un système d'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs qui se cherchent encore, mais qui deviendront bientôt des grands entrepreneurs. Donc, je les invite à venir et être financés par la banque pour le développement de notre pays et pour aussi se donner de l'emploi. Parce que maintenant, le marché existant n'est plus pourvoir d'emploi. Que la banque se trouve, le siège se trouve à Gitega, c'est le centre du pays, c'est pas loin. À Gitega, c'est pas très loin, c'est loin par rapport à où. Le Burundi est déjà un petit pays. Donc, c'est un petit pays, mais nous sommes implantés au centre, donc c'est pas très loin. Et de deux, c'est aussi plus ou moins proche. Si on cherche des informations, on peut le trouver sur le site internet de la banque, www.bige.bi. De trois, d'ici peu, nous allons essayer de les approcher par d'autres moyens. Et ils le verront d'ici deux ou trois mois maximum. Ils verront que nous sommes déjà de leur côté pour pouvoir recevoir le projet et aussi les accompagner dans les initiatives de développement. Il y a des jeunes qui ont déjà eu des crédits. Est-ce qu'ils sont en train de rembourser convenablement? Oui, jusqu'à aujourd'hui, les jeunes qui ont déjà reçu des financements auprès de la banque remboursent normalement, comme nous le souhaitons. Et nous encourageons aussi à faire la même chose, de continuer à faire cet effort de rembourser le crédit, les montants reçus de la banque, parce que les remboursements vont servir de financement pour les autres. Sixten Ihuire, administrateur et directeur général de la Bige, au micro de Fidèle d'Antoine Nsabimana. Eh bien, Oda Ndouayezu, une des jeunes d'une coopérative COID en province Chibitoke, a déjà bénéficié du prêt de la Banque des jeunes Bige. Elle affirme que ce prêt a permis à sa coopérative de relever la production et l'interpeller la jeunesse burundaise à travailler en coopérative pour que les institutions telles que la Bige puissent les financer. On l'écoute, traduite en français par Sheila Irambona. Nous nous produisons du charbon provenant des déchets ménagers et on fabrique également des machines qui font du jus et du charbon ou des machines qui moulent de la farine. Si on nous donne une commande, nous fabriquons ces machines et ils l'utilisent. Nous leur avons présenté 5 projets car nous fabriquons des machines à part et du charbon et nous fabriquons à part également du jus naturel. Mais ils ont préféré financer le projet concernant le charbon et les machines. Nous leur avons demandé 42 millions à cause de ce projet de fabrication du jus, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas financer 3 projets provenant d'une seule coopérative. Ils ont opté de financer le projet du charbon et celui des machines. Cela nous a beaucoup aidés car nous avions des commandes en suspens, faute de moyens. Grâce à ce financement, nous avons pu fabriquer ces machines et payer le salaire des employés. Ils nous ont octroyé ce financement depuis le mois de novembre et nous avons remarqué que nous avons honoré nos commandes. Cela ne traîne pas. Si une fois ils remarquent que votre projet va permettre aux autres jeunes de se développer, nous avons pris l'initiative de dire aux jeunes de travailler en coopérative, car Bige a promis de soutenir des projets en coopérative. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition spéciale consacrée à différentes initiatives en faveur des jeunes. La mise en place du cadre réglementaire de ces initiatives pour le développement de la jeunesse permettra de connaître comment sont organisées les activités au sein de ces initiatives. Eraste Nzosaba, président du Conseil national de la jeunesse, estime qu'il peut y avoir des chevauchements entre ces initiatives. Il demande qu'il y ait une politique claire sur le fonctionnement de ces initiatives pour que les jeunes puissent s'organiser conséquemment. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayong. Le PAEJ est un programme ou une institution comme tant d'autres. Ce que ce programme va faire ou devrait faire, c'est juste pour aider les jeunes à se développer. Nous espérons que s'il arrive à bien accomplir ses missions, si ce programme arrive à être auprès des jeunes comme on le souhaite, sûrement que des résultats escomptés pourront être réalisés. Pour que ces institutions mises en place par le gouvernement, notamment la BEJ, OBEM, BIJ, FIGA, PAEJ, puissent se compléter mutuellement, il faut qu'il y ait au moins une politique claire de gestion, une politique qui puisse définir et séparer les missions de ces institutions. Aussi, si vous le gardez bien dans les missions, vous allez constater qu'il y a un chevauchement entre ces organes, entre ces institutions. Donc, d'après le Conseil national de la jeunesse, il faut qu'il y ait un organe de coordination, un organe de collégulation, je dirais, pouvant permettre à ces institutions de pouvoir collaborer mutuellement pour pouvoir arriver aux résultats escomptés pour les jeunes. Il y a aussi un problème lié aux jeunes eux-mêmes. Les jeunes de nos jours veulent des projets Macron. Ils ne veulent pas faire des petits projets pour arriver bientôt aux grands projets. Donc, il faut que les jeunes commencent par des petits projets afin de se développer, continuer à s'améliorer dans les années à venir. Et le collectif pour la promotion des jeunes CPAG en sigle salue les initiatives du gouvernement burundais de mettre en place des fonds pour appuyer les jeunes entrepreneurs dans les financements de leurs projets. Ignace Niyonzima, coordinateur national, explique qu'il devrait avoir des mesures d'accompagnement pour que ces jeunes aient accès aux fonds et des formations sur l'élaboration de leurs projets. On l'écoute. Nous apprécions positivement les différentes initiatives qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement. Vous avez parlé de la banque, vous avez parlé du fonds FIGA qui est chargé de donner des fonds de garantie aux jeunes. Il y a d'autres projets, il y a aussi les coopératives qui sont aussi là pour appuyer vraiment les jeunes à lutter contre le chômage. Donc nous saluons vraiment ces initiatives du gouvernement. Vous êtes toujours auprès des jeunes. Est-ce que les projets des jeunes sont financés par ces fonds ou ces banques? Je crois que c'est encore au début, mais je dirais qu'il y a lieu de se poser quelques questions. Est-ce que c'est vrai, ces fonds sont là, la banque est là, les coopératives sont là? Mais une question qui peut se poser est de savoir, est-ce que tous les jeunes sont sensibilisés, tous les jeunes sont informés de l'existence de toutes ces opportunités? Moi, je ne pense pas. Vous savez, les jeunes constituent plus de 60% de la population burundaise, et pour qu'ils soient tous informés, ça demande vraiment un grand travail. Et puis, il y a aussi des conditions pour accéder à ces différentes opportunités. Par exemple, la banque, pour faire un projet qui peut être appuyé, il faut que ce soit un projet réellement qui est vendable. Et est-ce que les jeunes ont ces compétences? Je ne pensais pas. Alors, je crois qu'il devrait y avoir des mesures d'accompagnement qui viseraient à le renforcement des capacités de ces jeunes pour accéder à ces différentes initiatives, mais aussi un grand travail de sensibilisation et d'information pour que vraiment tous les jeunes possibles puissent bénéficier de ces différentes initiatives, de ces différents avantages qui leur sont destinés, qui leur sont octroyés par le gouvernement. Venons-en aux réactions des politiques. Le parti CNL apprécie positivement les projets initiés par le gouvernement burundais pour appuyer les initiatives de développement des jeunes. Cependant, le président de ce parti trouve que ces programmes sont plutôt politiques qu'économiques. Le député Agathon Rwas estime que ces projets sont discriminatoires et ne devraient pas être réalisés par des financements amputés sur le fonds destiné au développement des communes. On l'écoute, des propos recueillis par Évariste Nzikobanyan. L'idée en soi est louable. Mais ce qui est à déplorer, c'est la façon dont le gouvernement s'y prend. Pourquoi déplorer ça? D'aucuns savent que le gouvernement a difficilement consenti à appuyer les communes. D'abord à hauteur de 500 millions par an, puis par après, ils ont majoré, ils ont dit que c'est 570 millions par commune. Mais aussitôt, on a vu le gouvernement faire une sorte de volte-face en disant que de cet argent alloué aux communes, 80% doit être dévolu aux associations et 20% aux projets communaux. C'est quand même un peu bizarre parce que vous ne pouvez pas allouer de l'argent à quelqu'un et en même temps aller gérer pour lui. On devait donc penser quelle doit être la source de financement de ces coopératives s'il faut vraiment les promouvoir et laisser la commune gérer ce qu'il a à gérer, y compris cet appui budgétaire de la part du gouvernement central. Ça devrait être ainsi. Il en va de même de la banque des jeunes ou de toute autre structure où l'on exige la contribution des communes et les soi-disant détenteurs de la banque n'ont aucune action. Si on posait à la jeunesse de savoir quel est le crédit ou quel est le montant des actions de la jeunesse dans cette fameuse banque des jeunes, je ne pense pas qu'ils y auraient assez rond. Donc, ce sont des mesures que je dirais beaucoup plus politiques que réellement économiques. On voit à travers le pays que ces coopératives sont exclusives, elles sont pour la jeunesse du parti au pouvoir, pas pour tout le monde. On entend les autorités dire que c'est pour tout le monde, mais la réalité est tout autre. Parce que là où il y a des gens qui ont cherché à être affiliés, la condition était d'abord de quitter leur formation politique pour adhérer au sein de l'FDD, s'ils devraient intégrer les Sangouins. Donc là, c'est quand même une gestion calamiteuse, si je puis me permettre le terme. Et donc, j'encouragerais plutôt l'exécutif à repenser sa façon de gérer tous ces projets-là. Le député Gaton Rwasa, président du parti ICNL et le parti CNDD-FDD, se réjouit également des initiatives du gouvernement burundais prévues et réalisées en faveur des jeunes. Et quant aux opinions selon lesquelles les jeunes Imbonerakure qui seraient privilégiés dans ces programmes et projets du gouvernement pour les jeunes, Nancy Ninette Mutoni, chargée de la communication au sein de ce parti, trouve que c'est normal. Selon elle, le parti au pouvoir regroupe beaucoup de jeunes dans le pays. On l'écoute au micro d'Elinibel Nibigira. Nous affichons une entière satisfaction et nous apprécions très positivement cette étape, car dans notre programme politique qu'on a présenté lors des dernières élections, nous avions mis l'accent sur le développement des projets des jeunes et l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse dans les projets de développement et aussi dans l'accroissement de la production, mais aussi dans la création d'emplois. Donc nous nous réjouissons de voir que ces programmes, le gouvernement a pu les mettre en priorité et nous apprécions l'étape déjà franchie et nous encourageons la jeunesse à y adhérer massivement. L'impact est visible, nous commencerions d'abord par le moral au sein de la jeunesse. Vous voyez que la jeunesse est maintenant très active et très engagée et vous voyez qu'ils sont créatifs dans l'élaboration et dans la réalisation de ces projets en faveur des jeunes. Et c'est un pas aussi qui mène vers la cohésion entre les jeunes. Car si les jeunes sont ensemble sur le terrain du développement, ils sont aussi ensemble dans la construction et l'édification d'une nation prospère. Et nous sommes, comme parti et dirigeant le pays, nous ne pourrons que nous en réjouir. Et pourtant, il y a d'autres qui parlent de projets du gouvernement qui ne sont réservés qu'aux Imbonerakure. Les projets réservés aux Imbonerakure sont menés par le parti au pouvoir. Mais les projets là dont on parle sont des projets nationaux. Nous nous réjouissons aussi en tant que parti que notre jeunesse est aussi impliquée aux côtés d'autres jeunes. Il ne peut pas y avoir de projets nationaux qui impliquent une certaine partie et excluant l'autre. Et nous nous réjouissons que la jeunesse, et surtout notre jeunesse, est très engagée et très déterminée à œuvrer pour le développement du pays. Nancy Ninette Mutoni, chargée de la communication au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. La réussite des initiatives du gouvernement burundais d'appuyer les jeunes entrepreneurs dépendra des gestionnaires de ces initiatives et la façon d'octroyer les crédits. Analyse d'un économiste indépendant, Faustin Dekumana, président de la PARSEM. Selon lui, il faut aussi avoir le mécanisme d'écoulement des produits suivants. Pour que de telles initiatives puissent aboutir aux résultats escomptés, il y a certains préalables au niveau de la gestion, au niveau de la conception des choses. D'abord, il faut éviter la politisation, tout dans la gestion de ces initiatives et surtout dans l'octroi des crédits. Il faut une compétition entre jeunes, des critères objectifs de choix et de sélection des projets à financer. Il faut aussi une capacité des jeunes, capacité technique, les mécanismes de suivi de ces jeunes qui bénéficient de ces crédits, et soutenir aussi les expériences déjà réussies. Et il ne faut pas continuer à vouloir soutenir des initiatives nouvelles alors qu'il y a des initiatives qui ont déjà réussi et qui nécessitent un appui supplémentaire pour qu'ils puissent faire des pas de géant et pouvoir s'affirmer sur le marché, pouvoir aussi donner de l'emploi aux jeunes. Il faut aussi vérifier la capacité des dirigeants de ces fonds, la banque des jeunes, ce fonds aussi qui octroie des crédits aux jeunes. Il faut qu'il y ait des ressources humaines qui gèrent ces fonds de façon compétente. Et outre cela aussi, il faut un environnement des affaires globalement favorable, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau central. L'état des infrastructures reste fondamental, les routes, l'électricité et les infrastructures de conservation. Par exemple, si on est dans l'élevage du lait ou dans la pêche, une chambre de foire, par exemple, il y a la perception des impôts, il ne faut pas des impôts qui accablent les gens, même au stade de démarrage de leur projet, des devises. Il y a les tracasseries administratives qui gênent souvent les jeunes promoteurs. Il y a le système qu'on appelle Imbuga. qui bloque les gens qui veulent s'engager dans tel ou tel métier ou telle affaire. Alors aussi, il faut voir le mécanisme de débouché. Parce que si on produit, il faut vendre. Si on ne parvient pas à vendre, la situation devient compliquée. Dans ce cas, le gouvernement a aussi besoin de mesures au niveau macroéconomique, par exemple, pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. Au Burundi, il y a le taux de pauvreté est élevé, le pouvoir d'achat est faible. Et la capacité d'achat des Burundais, vraiment, n'est pas forte pour promouvoir les investissements. Et sur ces différentes initiatives pour jeunes, le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions, Ezekiel Nibigira, fait savoir que l'harmonisation de ces dernières est en cours d'analyse. Parle, rassure-moi. Dans la chronique N de ce mercredi, nous vous parlons du respect modéré de ce qui se raconte dans le passé en famille comme moyen de limiter les messages de haine. Selon le sociologue Patrice Sabougouheba, le respect entre parents et enfants, c'est le principe fondamental en famille, mais à un certain âge, l'enfant ne doit pas tout respecter parce que, dit-il, même les parents peuvent se tromper. La chronique N est signée Aubin Niohour. Le respect en famille entre parents et enfants, c'est le principe qui doit guider leur relation. À un certain âge, le sociologue Patrice Sabougouheba dit que l'enfant peut juger ce qui lui est raconté et ne garder que ce qui lui paraît juste. Le respect, c'est le principe fondamental de la famille, mais il ne faut pas arriver à respecter tout, à accepter tout. Il faut à un certain niveau faire une nuance, et, c'est-à-dire avoir à accepter ou à refuser. Et ça dépend du contenu et du message. Ça dépend de la qualité du message. Et là, le respect modéré donne l'autorisation à l'interlocuteur d'avoir une part de responsabilité dans ce qui est en train d'être dit dans le message. Pour savoir à quel âge l'enfant peut avoir la capacité de juger, ce sociologue précise que tout dépend de l'évolution de l'enfant. Mais à un certain âge, notamment à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, l'enfant commence à bien juger les choses. Et au niveau du 6e, 7e, 8e, les écoles fondamentales, dans les écoles fondamentales, il apprend à l'école, il apprend en famille, il apprend même en communauté. Et là, il fait une certaine confrontation des messages reçus et du parent, et des membres de la communauté, les voisins, et des éducateurs, enseignants à l'école, même de ses condisciples, les élèves comme lui. Et là, il peut constater que ce qui a été dit par le parent n'est pas bon à garder. Pour exercer ce respect modéré, l'enfant, pour ne pas se rebeller à l'autorité parentale, il lui est conseillé d'écouter le message qui lui est donné, mais aussi exercer sa capacité de juger. Aujourd'hui comme hier, même pour demain, l'enfant, il peut accueillir le message, le juger, s'il a l'âge de juger, l'apprécier et prendre une partie qui l'intéresse pour le présent, pour le futur, et laisser une autre partie qui ne l'intéresse pas et donc qui ne l'avance pas dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans l'harmonie sociale, dans la connaissance qui peut l'aider dans le futur. Et là, l'enfant, sans blesser toujours l'autorité du parent, et là, il peut prendre une partie des messages. Quant aux parents, ils sont appelés à exercer correctement leur autorité morale sur les enfants, et surtout quand ils leur racontent à propos du passé douloureux. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.